Je vous laisse. Débloquez-le vite, il a un dîner très important ce soir. Christine. Un dîner de cons. Vous ne connaissez peut-être pas le principe. Chaque invité amène un con. Christine, je t'en prie. Les cons ne savent pas bien sûr pourquoi on les a sélectionnés. Et le jeu consiste à les faire parler. Il paraît que c'est très drôle. Vas-y, fous tes pieds sous la table, à bouffer là, cette fois c'est moi qui gère. Ça part de pas grand chose, ça prend forme comme un petit pois qui germe. Oublie l'hygiène, fais passer le mot à tous tes anticorps. Ça plaît en quatre, ça paiera sale et tu l'as senti fort. J'espère que t'as les crocs, dans tous les cas, moi j'ai la dalle pour 10. Vite-toi la tête, prépare la place avant que tu t'alourdisses. Y'en aura pour tout le monde, double ration pour les plus carencés. Si t'es en manque de son, j'suis venu t'offrir un repas cadencé. Fraîchement pensé, goûte ce plat relevé sans tabasco. On peut ratabasse tout comme un renard planqué dans ta basse-cour. J'ai pas de parcours, mais dans ma tête, j'suis moins paumé qu'eux. J'vais faire ça à ma sauce parce que leur carte n'est pas prometteuse. C'est pas pour les yeux, le rap s'écoute avec les tripes. Y'a pas de limite, le mien s'étale quand les connards les trichent. J'apporte un son classique, indigestif, du genre qui coupe la chine. T'as pris ta claque, tu veux du rap, vas-y écoute la suite. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. On a repoussé les limites là. Salut à tous, c'est vrai que j'ai pas l'air très malin. T'arrêtes pas à la couche, j'ai un copec en poche, ça rend radin. Pas un radis, pas grave, ça pleure baratin. Tu fais tapis pour un tapin. On a rien envie au gratin. Tous ceux qui veulent me gratter mais qui me regardent de haut. Monsieur le rat est nab sans draper ces personnes pour sortir de la haute. Chacun ses hobbies, les miens terminent leur nuit dans la lunette. Consumer ma haine, brûler la tour Eiffel en allumette. Tout du raté à l'annulaire, les engagements peuvent s'annuler. Un mulet comme moi choisit toujours une gachi aux sans lunettes. Dans l'annuaire, t'en trouves plein comme moi. Trombine de vainqueur prêt à trinquer pour une princesse au bout du bras. J'te vends du rêve, Paris by night en scénique. Regarde ma gana, tu comprends que j'ai renoncé à miser sur le physique. Y'a ceux qui jettent les dés. Au jeu de loi, je reste à ma place. Tu crois que je me en vrai, c'est toi qui bois la tasse. Oui, oui, il est là, oui. Ouais, très sympathique. Il a une belle tête de vainqueur. Non, t'inquiète pas, si je peux pas ce soir, je te l'amène la semaine prochaine. J'ai reçu le faire-part, je serai là ce soir et ça va faire parler. Je compte plus le nombre de yens postés au mètre carré. À l'affût de tes fautes, seront-ils là qu'on faudra rire du drame. Je soulève le drap à l'insu de ces faux. J'ai pignon sur ruse, donc j'ai écho de ce que les renards disent. Qui veut emprunter 5 pour devoir 10. Serre l'apéro, ça soulagera la bête apeurée. D'être la surprise pour les intellos. Apprécie juste le blanc. Y'a ceux qui lusquent les trophées, ceux qui lusquent le banc. J'ai pas besoin de plus de moyens, j'ai besoin de plus de temps. J'imagine pas ce que je peux envoyer, ce que je vois vu de ce tank. Sortez couvert car ça torpille, j'ai déjà servi comme homme de paille. Mais devant les flammes même ça compile. Reste à cheval sur mes idées, peut-être la folie me prendra demain. J'ai parfois l'air d'hésiter quand un inconnu me tend la main. C'est pas pour dire mais qu'est-ce qu'il est bête. Mais plus bête que... Enfin, je veux dire, vous êtes intelligent, vous, alors, par rapport à vous. Ah, écoutez, moi, je n'aime pas être grossier, mais là, il faut employer le mot, c'est un con. Mon Dieu.